Bismillah. Salatu wassalam ala Rasulillah. Le thème de la khutba d'aujourd'hui traite de l'intérêt du savoir et l'incitation à sa quête. Louange à Allah, son trône couvre les cieux et la terre dont il assure la garde, son père. Mais sais-tu pas qu'Allah est capable de toutes choses, qu'il sait tout sur tout et qu'il maîtrise tout. Qu'il soit loué, il a institué le licite et l'illicite. Il a révélé le Coran comme guide et un rappel pour les sages. Allah a témoigné, ainsi que les anges et les gens du savoir, qu'il n'y a de Dieu que lui, le juste. De tous les serviteurs d'Allah, ce sont les savants qui le craignent le plus. Nous le louons. Et nous le remercions pour ses nombreux bienfaits. Nous implorons son pardon et sa clémence et qu'il nous aide dans l'accomplissement de son adoration. Nous témoignons qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, unique et sans associé. Le Très-Haut a dit, Allah élève de plusieurs degrés ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui ont le savoir. De tout ce que vous faites, Allah est informé. Et nous témoignons que notre maître, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et messager. Allah l'a envoyé aux gens, il leur lit ses versets, il leur apprend le livre et la sagesse, alors qu'auparavant, ils étaient de toute évidence sur la mauvaise voie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Celui pour qui Allah veut du bien, il l'instruit en religion. Oh Allah, nous implorons des prières et salutations pour notre maître Mohammed, pour les siens, pour ses compagnons et ceux qui l'ont suivi. Allah a dit, et ceux à qui nous avons donné le livre, ils le lisent comme il se doit, ceux-là y croient et ceux qui n'y croient pas sont les perdants. Serviteurs d'Allah, la quête du savoir est une obligation faite par Allah aux musulmans et aux musulmanes. Il a ordonné le savoir avant d'ordonner le travail. Et il a dit, sache qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et repens-toi de tes péchés et pour les croyants et les croyantes. Celui qui n'a pas de savoir n'a ni religion ni raison. Celui qui n'a pas le savoir compte parmi les animaux. S'il est vivant, il ne compte pas parmi les humains. Et s'il meurt, il n'est pas une perte. Allah élève les gens de foi et les gens du savoir, et il rabaisse l'ignorance et les ignorants, et il n'accure de leur sort comme en témoignent des hadiths et des versets. Si l'aspect extérieur de l'ignorant te plaît, il ne plaît pas à Allah. Allah ne tient pas compte de l'apparence, mais des actions, des cœurs et des intentions. Toutes les actions et toutes les intentions sans le savoir ne sont pas acceptées, même s'il s'agit de la meilleure des offrandes. Allah a dit, celui qui est en adoration la nuit, prosterné et debout, il craint la mort et espère la miséricorde de son Seigneur, dit, est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas se valent? Le savant vénère Allah avec ce qu'il a institué. Le savant ne tient compte que de la preuve et il ne marche que dans le droit chemin. Allah accepte de lui le peu qu'il fait et il le récompense au multiple pour le bien qu'il a fait et pour le mal qu'il n'a pas fait. Alors que l'ignorant vénère Allah à sa convenance et selon ses inventions en matière religieuse. Il répond à n'importe qui et suit n'importe qui. Si Satan l'appelle, il l'écoute et le suit. L'ignorant travaille beaucoup et profite peu. Il ne met pas les choses à leur juste endroit. Il se fait mal à lui-même. Et il est rarement utile aux autres. Le savant est pour l'ignorant, comme la pleine lune est pour les astres. Dans un hadith, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce que un savant a de plus qu'un adorateur est comme ce que j'ai de plus que le dernier d'entre vous. Allah le Très-Haut, ses anges, ceux qui habitent les cieux et les deux terres, et même la fourmi dans la sa fourmilière, et même les poissons au fond de l'océan, prient pour celui qui enseigne le bien aux gens. Alors, félicitations à toi, le savant, pour tout ce que Allah t'a donné, si tu fais le bien autour de toi. Allah s'est qualifié lui-même par le savoir et il a dit, craignez Allah, Allah vous enseignera et Allah sait tout. Et les anges ont dit, loué sois-tu, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as enseigné, tu es le sage qui sait tout. Allah le Très-Haut a dit à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi à tous les anges et aux grands prophètes, dit, mon Dieu, rajoute-moi encore plus de savoir. Les savants sont les héritiers des prophètes. Comme eux, ils ordonnent le bien et déconseillent le mal. Ils appellent pour le bien par la bonne conduite et l'enseignement sage. Celui qui suit le chemin de la quête du savoir, Allah lui facilite le chemin pour le paradis. À chaque fois que les gens se réunissent dans l'une des maisons de Dieu pour lire le Coran et l'étudier, la sérénité les couvre, la miséricorde les enveloppe, les anges les entourent et Allah les cite parmi ceux qui sont chez lui. Cela a été authentifié par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, paix et bénédiction sur lui, celui qui va à la mosquée pour rien d'autre qu'apprendre le bien et l'on pour l'enseigner, il a la récompense du pèlerin, d'un pèlerin au pèlerinage complet. Celui qui utilise son savoir, qui en fait profiter les autres, Allah lui fait hériter le savoir qu'il ignore. Et celui qui a eu le plus de savoir, qui a eu plus de savoir, et qui n'a pas eu de bonne guidance, tout ce qu'il aura de plus, c'est l'éloignement d'Allah. Nous nous en remettons à Allah de celui qui a la langue d'un savant et le cœur d'un pécheur. Les musulmans étaient toujours en quête du savoir, même s'il fallait voyager pour cela. Ils dépensaient beaucoup d'argent pour apprendre, acquérir le savoir et le diffuser. Les mosquées et les écoles étaient pleines de savants, grands et petits, débutants et confirmés. Les rois et les princes vouaient un grand respect et une grande considération aux savants. Ils tenaient compte de leurs avis et ils ne prenaient aucune grande décision avant de les consulter. L'ignorant, quant à lui, il est mal considéré. Il a une vision courte et il agit mal, même s'il était riche. Quand l'ignorance apparaît dans une nation, même si elle est grande, elle connaît la décadence et la ruine. Le savoir ne se limite pas uniquement à la connaissance de la religion et de sa pratique. Il est plus large que cela. Nous voulons des imams, certes, mais nous voulons aussi des ingénieurs, des médecins, des économistes, des mathématiciens, des physiciens, des juges, des écrivains et des poètes. Le Coran est une référence consultée par le théologien, l'astrologue, l'historien, le linguiste, le philosophe, l'ingénieur, le géographe, le botaniste, le juriste et le psychologue, arabe et non-arabe, en Orient et en Occident. La vraie religion ordonne à ses fidèles la quête du savoir et les y incite. Elle en fait une condition pour l'adoration et la base du règne. Elle incite à aider les gens du savoir partout et tout le temps. Dans le temps, les musulmans construisaient des instituts et des écoles et ils les entretenaient. De nos jours, nous ne sommes plus aussi généreux que nos ancêtres, alors que nous avons plus d'argent qu'eux. L'oubli et le manque de foi nous ont désorientés. Serviteurs d'Allah, plus que jamais, nous avons besoin du savoir en matière religieuse pour nous guider sur le chemin de la foi, de la vérité et de la justice, et nous éloigner de l'injustice et de la corruption. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand l'être humain meurt, toutes ses actions s'arrêtent, sauf dans trois cas. Une amende courante, un savoir qui lui sera bénéfique, ou une bonne descendance qui prie pour lui. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, les savants sur terre sont comme les étoiles qui guident les gens la nuit sur la terre et sur la mer. Si les étoiles se couvrent, l'orientation se perd. Wa sallallahu sallam ala rasulillah, subhanahu wa ta'ala bi l'izzati amma yasifun, wa sallam ala mursalin, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.